quel moment? Dites-le-moi. Très souvent. Hier soir, par exemple, dans le couloir. Cette fois-ci, c'est vous qui mentez. Non. Moi, je vous ai dit que j'étais amoureux de vous. Amoureux? Qu'est-ce que c'est? Elle n'existe pas sans l'amour. Alors l'amour, c'est quoi?